Section 11 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, livre deuxième, chapitre 6, Saint-Guéry, cœur saignant. Une balafre se guérit vite, mais il y avait quelque part quelqu'un de plus gravement blessé que Simourdin. C'était la femme fusillée que le mendiant Telmarche avait ramassée dans la grande mare de sang de la ferme d'Herbempelle. Michel Fléchard était plus en danger encore que Telmarche ne l'avait cru. Au trou qu'elle avait au-dessus du sein correspondait à un trou dans l'omoplate. En même temps qu'une balle lui cassait la clavicule, une autre balle lui traversait l'épaule. Mais, comme le poumon n'avait pas été touché, elle put guérir. Telmarche était un philosophe, mot de paysan qui signifie un peu médecin, un peu chirurgien et un peu sorcier. Il soigna la blessée dans sa tanière de bête, sur son grabat de varech, avec ces choses mystérieuses qu'on appelle des simples, et, grâce à lui, elle vécut. La clavicule se ressouda, les trous de la poitrine et de l'épaule se fermèrent. Après quelques semaines, la blessée fut convalescente. Un matin, elle put sortir du carnichot, appuyée sur Telmarche. Elle alla s'asseoir sous les arbres au soleil. Telmarche savait d'elle peu de choses. Les plaies de poitrine exigent le silence, et, pendant la quasi-agonie qui avait précédé sa guérison, elle avait à peine dit quelques paroles. Quand elle voulait parler, Telmarche la faisait taire. Mais elle avait une rêverie opiniâtre, et Telmarche observait dans ses yeux une sombre allée et venue de pensées poignantes. Ce matin-là, elle était forte, elle pouvait presque marcher seule. Une cure, c'est une paternité, et Telmarche la regardait, heureux. Ce bon vieux homme se mit à sourire. Il lui parla. « Eh bien, nous sommes debout, nous n'avons plus de plaies. »« Qu'au cœur, » dit-elle. Et elle reprit. « Alors, vous ne savez pas du tout où ils sont ?»« Qui ça ?» demanda Telmarche. « Mes enfants !» Cet « alors » exprimait tout un monde de pensées. Cela signifiait « Puisque vous ne m'en parlez pas, puisque depuis tant de jours vous êtes près de moi sans m'en ouvrir la bouche, puisque vous me faites taire chaque fois que je veux rompre le silence, puisque vous semblez craindre que je n'en parle, c'est que vous n'avez rien à m'en dire. » Souvent dans la fièvre, dans l'égarement, dans le délire, elle avait appelé ses enfants. Et elle avait bien vu, car le délire fait ses remarques, que le vieux homme ne lui répondait pas. C'est qu'en effet, Telmarche ne savait que lui dire. Ce n'est pas aisé de parler à une mère de ses enfants perdus. Et puis, que savait-il? Rien. Il savait qu'une mère avait été fusillée, que cette mère avait été trouvée à terre par lui, que lorsqu'il l'avait ramassée, c'était à peu près un cadavre, que ce cadavre avait trois enfants, et que le marquis de Lantenac, après avoir fait fusiller la mère, avait emmené les enfants. Toutes ces informations s'arrêtaient là. Qu'est-ce que ces enfants étaient devenus? Étaient-ils même encore vivants? Il savait, pour s'en être informé, qu'il y avait deux garçons et une petite fille à peine sevrée, rien de plus. Il se faisait sur ce groupe infortuné une foule de questions, mais il n'y pouvait répondre. Les gens du pays qu'il avait interrogés s'étaient bornés à hocher la tête. Monsieur de Lantenac était un homme dont on ne causait pas volontiers. On ne parlait pas volontiers de Lantenac, et on ne parlait pas volontiers à Telmarche. Les paysans ont un genre de soupçon à eux. Ils n'aimaient pas Telmarche. Telmarche, le caïman, était un homme inquiétant. Qu'avait-il à regarder toujours le ciel? Que faisait-il? Et à quoi pensait-il dans ses longues heures d'immobilité? Certes, il était étrange. Dans ce pays en pleine guerre, en pleine conflagration, en pleine combustion, où tous les hommes n'avaient qu'une affaire, la dévastation, et qu'un travail, le carnage, où c'était à qui brûlerait une maison, égorgerait une famille, massacrerait un poste, saccagerait un village, où l'on ne songeait qu'à se tendre des embuscades, qu'à s'attirer dans des pièges et qu'à s'entretuer les uns les autres, ce solitaire, absorbé dans la nature, comme submergé dans la paix immense des choses, cueillant des herbes et des plantes, uniquement occupé des fleurs, des oiseaux et des étoiles, était évidemment dangereux. Visiblement, il n'avait pas sa raison. Il ne s'embusquait derrière aucun buisson. Il ne tirait aucun coup de fusil à personne. De là, une certaine crainte autour de lui. « Cet homme est fou !» disaient les passants. Telmarche était plus qu'un homme isolé. C'était un homme évité. On ne lui faisait point de questions et on ne lui faisait guère de réponses. Il n'avait donc plus se renseigner autant qu'il l'aurait voulu. La guerre s'était répandue ailleurs. On était allé se battre plus loin. Le marquis de Lantenac avait disparu de l'horizon. Et, dans l'état d'esprit où était Telmarche, Pour qu'il s'aperçût de la guerre, il fallait qu'elle mît le pied sur lui. Après ce mot, « mes enfants », telle marche avait cessé de sourire, et la mère s'était mise à penser. Que se passait-il dans cette âme? Elle était comme au fond d'un gouffre. Brusquement, elle regarda telle marche et dit de nouveau, et presque avec un accent de colère, « mes enfants !» Telle marche baissa la tête, comme un coupable. Il songeait à ce marquis de Lautenac, qui certes ne pensait pas à lui, et qui, probablement, ne savait même plus qu'il existât. Il s'en rendait compte, il se disait, « Un seigneur, quand c'est dans le danger, ça vous connaît, quand c'est dehors, ça ne vous connaît plus. » Et il se demandait, « Mais alors, pourquoi ai-je sauvé ce seigneur ?» Et il se répondait, « Parce que c'est un homme. » Il fut là-dessus quelque temps pensif, et il reprit en lui-même, « En suis-je bien sûr ?» Et il se répéta son mot amer, « Si j'avais su, toute cette aventure l'accablait, car, dans ce qu'il avait fait, il voyait une sorte d'énigme. Il méditait douloureusement. Une bonne action peut donc être une mauvaise action. Qui sauve le loup tue les brebis. Qui raccommode l'aile du vautour est responsable de sa griffe. » Il se sentait en effet coupable. La colère inconsciente de cette mère avait raison. Pourtant, avoir sauvé cette mère le consolait d'avoir sauvé ce marquis. Mais les enfants ? La mère aussi songeait. Ces deux pensées se côtoyaient et, sans se le dire, se rencontraient peut-être dans les ténèbres de la rêverie. Cependant, son regard au fond duquel était la nuit se fixa de nouveau sur telle marche. « Ça ne peut pourtant pas se passer comme ça » dit-elle. « Chut !» fit telle marche, et il mit le doigt sur sa bouche. Elle poursuivit. « Vous avez eu tort de me sauver, et je vous en veux. J'aimerais mieux être morte, parce que je suis sûre que je les verrai. Je saurai où ils sont. Ils ne me verraient pas, mais je serai près d'eux. Une morte, ça doit pouvoir protéger. » Il lui prit le bras et lui tâta le pouls. « Calmez-vous, vous vous redonnez la fièvre. » Elle lui demanda presque durement. « Quand pourrais-je m'en aller ?»« Vous en allez ?»« Oui, marchez. » »« Jamais, si vous n'êtes pas raisonnable. Demain, si vous êtes sage. » »« Qu'appelez-vous être sage ?»« Avoir confiance en Dieu. » »« Dieu ? Où m'a-t-il mis mes enfants ?» Elle était comme égarée. Sa voix devint très douce. « Vous comprenez ?» lui dit-elle. « Je ne peux pas rester comme cela. Vous n'avez pas eu d'enfants, moi j'en ai eu. Cela fait une différence. On ne peut pas juger d'une chose quand on ne sait pas ce que c'est. Vous n'avez pas eu d'enfants, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit telle marche. « Moi, je n'ai eu que ça. Sans mes enfants, est-ce que je suis ? Je voudrais qu'on m'expliquât pourquoi je n'ai pas mes enfants. Je sens bien qu'il se passe quelque chose, puisque je ne comprends pas. On a tué mon mari, on m'a fusillé, mais c'est égal, je ne comprends pas. » « Allons, » dit elle marche, « voilà que la fièvre vous reprend, ne parlez plus. » Elle le regarda et se tut. À partir de ce jour, elle ne parla plus. Telle marche fut obéie, plus qu'il ne voulait. Elle passait de longues heures accroupie, au pied du vieux arbre, stupéfaite. Elle songeait et se taisait. Le silence offre on ne sait quel abri aux âmes simples qui ont subi l'approfondissement sinistre de la douleur. Elle semblait renoncer à comprendre. À un certain degré, le désespoir est inintelligible aux désespérés. Telle marche l'examinait, émue. En présence de cette souffrance, ce vieux homme avait des pensées de femme. « Oh oui !» se disait-il. « Ses lèvres ne parlent pas, mais ses yeux parlent. Je vois bien ce qu'elle a, une idée fixe. Avoir été mère et ne plus l'être ? Avoir été nourrice et ne plus l'être ? Elle ne peut pas se résigner. Elle pense à la toute petite qu'elle allaitait il n'y a pas longtemps. Elle y pense, elle y pense, elle y pense. Au fait, ce doit être si charmant de sentir une petite bouche rose qui vous tire votre âme de dedans le corps et qui, avec votre vie à vous, se fait une vie à elle. » Il se taisait de son côté, comprenant, devant un tel accablement, l'impuissance de la parole. Le silence d'une idée fixe est terrible. Et comment faire entendre raison à l'idée fixe d'une mère ? La maternité est sans issue. On ne discute pas avec elle. Ce qui fait qu'une mère est sublime, c'est que c'est une espèce de bête. L'instinct maternel est divinement animal. La mère n'est plus femme, elle est femelle. Les enfants sont des petits. De là, dans la mère, quelque chose d'inférieur et de supérieur au raisonnement. Une mère a un flair. L'immense volonté ténébreuse de la création est en elle et la mène, aveuglement, plein de clairvoyance. Telle marche maintenant voulait faire parler cette malheureuse. Il n'y réussissait pas. Une fois, il lui dit « Pas malheur, je suis vieux, et je ne marche plus. J'ai plus vite trouvé le bout de ma force que le bout de mon chemin. Après un quart d'heure, mes jambes refusent, et il faut que je m'arrête. sans quoi je pourrais vous accompagner. Au fait, c'est peut-être un bien que je ne puisse pas. Je serais pour vous plus dangereux qu'utile. On me tolère ici, mais je suis suspecte aux bleus comme paysan et aux paysans comme sorcier. » Il attendit ce qu'elle répondrait. Elle ne leva même pas les yeux. Une idée fixe aboutit à la folie ou à l'héroïsme. Mais de quel héroïsme peut être capable une pauvre paysanne? D'aucun. Elle peut être mère et voilà tout. Chaque jour, elle s'enfonçait davantage dans sa rêverie. Telle marche l'observait. Il chercha à l'occuper. Il lui apporta du fil, des aiguilles, un dé. Et, en effet, ce qui fit plaisir au pauvre caïman, elle se mit à coudre. Elle songeait, mais elle travaillait, signe de santé. Les forces lui revenaient peu à peu. Elle raccommoda son linge, ses vêtements, ses souliers, mais sa prunelle restait vitreuse. Tout en cousant, elle chantait à demi-voix des chansons obscures. Elle murmurait des noms, probablement des noms d'enfants, pas assez distinctement pour que Telmarche les entendît. Elle s'interrompait à écouter les oiseaux, comme s'ils avaient des nouvelles à lui donner. Elle regardait le temps qu'il faisait. Ses lèvres remuaient, elle se parlait bas. Elle fit un sac et elle le remplit de châtaignes. Un matin, Telmarche la vit qui se mettait en marche, l'œil fixé au hasard sur les profondeurs de la forêt. « Où allez-vous ? » lui demanda-t-il. Elle répondit « Je vais aller chercher. » Il n'essaya pas de la retenir. Chapitre 7. Les deux pôles du vrai. Au bout de quelques semaines, pleines de tous les va-et-vient de la guerre civile, il n'était bruit dans le pays de Fougères que de deux hommes, dont l'un était opposé de l'autre, et qui, cependant, faisaient la même œuvre, c'est-à-dire combattaient côte à côte le grand combat révolutionnaire. Le sauvage duel vendéen continuait, mais la Vendée parlait du terrain. Dans l'Ille-et-Vilaine en particulier, grâce au jeune commandant qui, à Dole, avait, si à propos, riposté à l'audace des 6000 royalistes par l'audace des 1500 patriotes, l'insurrection était, sinon éteinte, du moins très amoindrie et très circonscrite. Plusieurs coups heureux avaient suivi celui-là et, de ces succès multipliés, était née une situation nouvelle. Les choses avaient changé de face, mais une singulière complication était survenue. Dans toute cette partie de la Vendée, la République avait le dessus. Ceci était hors de doute. Mais quelle République ? Dans le triomphe qui s'ébauchait, deux formes de la République étaient en présence. La République de la terreur et la République de la clémence. L'une voulant vaincre par la rigueur et l'autre par la douceur. Laquelle prévaudrait ? Ces deux formes, la forme conciliante et la forme implacable, étaient représentées par deux hommes ayant chacun son influence et son autorité. L'un, commandant militaire, l'autre, délégué civil. Lequel de ces deux hommes l'emporterait ? De ces deux hommes, l'un, le délégué, avait de redoutables points d'appui. Il était arrivé apportant la menaçante consigne de la Commune de Paris au bataillon de Santerre. Pas de grâce, pas de quartier. Il avait, pour tout soumettre à son autorité, le décret de la Convention portant « peine de mort contre quiconque mettrait en liberté et ferait évader un chef rebelle prisonnier ». De plein pouvoir émané du comité de salut public et une injonction de lui obéir à lui délégué, signé Robespierre, Danton, Marat. L'autre, le soldat, n'avait pour lui que cette force, la pitié. Il n'avait pour lui que son bras, qui battait les ennemis, et son cœur, qui leur faisait grâce. Vainqueur, il se croyait le droit d'épargner les vaincus. De là un conflit latent mais profond entre ces deux hommes. Ils étaient tous les deux dans des nuages différents, tous les deux combattant la rébellion et chacun ayant sa foudre à lui, l'un la victoire, l'autre la terreur. Dans tout le bocage, on ne parlait que d'eux, et ce qui ajoutait à l'anxiété des regards fixés sur eux de toutes parts, c'est que ces deux hommes, si absolument opposés, étaient en même temps étroitement unis. Ces deux antagonistes étaient deux amis. Jamais sympathie plus haute et plus profonde n'avait rapproché deux cœurs. Le farouche avait sauvé la vie au débonnaire, et il en avait la balafre au visage. Ces deux hommes incarnaient l'un la mort, l'autre la vie. L'un était le principe terrible, l'autre le principe pacifique, et ils s'aimaient. Problème étrange. Qu'on se figure Orestre miséricordieux et Pylade inclément. Qu'on se figure Arimane, frère d'Ormus. Ajoutons que celui des deux qu'on appelait le féroce était en même temps le plus fraternel des hommes. Il pansait les blessés, soignait les malades, passait ses jours et ses nuits dans les ambulances et les hôpitaux, s'attendrissait sur des enfants pieds nus, n'avait rien à lui, donnait tout aux pauvres. Quand on se battait, il y allait. Il marchait à la tête des colonnes et, au plus fort du combat, armé, car il avait à sa ceinture un sabre et deux pistolets, et désarmé, car jamais on ne l'avait vu tirer son sabre et toucher à ses pistolets. Il affrontait les coups et ne rendait pas. On disait qu'il avait été prêtre. L'un de ces hommes était Gauvin, l'autre était Simourdin. L'amitié était entre les deux hommes, mais la haine était entre les deux principes. C'était comme une âme coupée en deux et partagée. Gauvin, en effet, avait reçu une moitié de l'âme de Simourdin, mais la moitié douce. Il semblait que Gauvin avait eu le rayon blanc et que Simourdin avait gardé pour lui ce qu'on pourrait appeler le rayon noir. De là, un désaccord intime. Cette sourde guerre ne pouvait pas ne point éclater. Un matin, la bataille commença. Simourdin dit à Gauvin « Où en sommes-nous » Gauvin répondit « Vous le savez aussi bien que moi. J'ai dispersé les bandes de Lantenac. Il n'y a plus avec lui que quelques hommes. Le voilà acculé à la forêt de Fougères. Dans 8 jours, il sera cerné. Et dans 15 jours, il sera pris. » « Et pris ? Vous avez vu mon affiche ? Oui, eh bien, il sera fusillé. Encore de la clémence, il faut qu'il soit guillotiné. Moi, dit Gauvin, je suis pour la mort militaire. Et moi, répliqua Simourdin, pour la mort révolutionnaire. » Il regarda Gauvin en face et lui dit « Pourquoi as-tu fait mettre en liberté ces religieuses du couvent de Saint-Marc-le-Blanc ? Je ne fais pas la guerre aux femmes, répondit Gauvin. Ces femmes-là haïssent le peuple, et pour la haine, une femme vaut 10 hommes. Pourquoi as-tu refusé d'envoyer au tribunal révolutionnaire tout ce troupeau de vieux prêtres fanatiques pris à Louvigné ? Je ne fais pas la guerre aux vieillards. Un vieux prêtre est pire qu'un jeune. La rébellion est plus dangereuse, prêchée par les cheveux blancs. On a foi dans les rides. Pas de fausse pitié, Gauvin. Les régicides sont les libérateurs. Aie l'œil fixé sur la tour du temple. La tour du temple ? J'en ferai sortir le dauphin. Je ne fais pas la guerre aux enfants. » L'œil de Simourdin devint sévère. Gauvin, sache qu'il faut faire la guerre à la femme quand elle se nomme Marie-Antoinette, au vieillard quand il se nomme Piscis, pape, et à l'enfant quand il se nomme Louis Capet. Mon maître, je ne suis pas un homme politique. Tâche de ne pas être un homme dangereux. Pourquoi, à l'attaque du poste de Cossé, quand le rebelle, Jean Treton, acculé et perdu, s'est rué seul, le sabre au poing contre toute ta colonne, as-tu crié « Ouvrez les rangs, laissez passer !» Parce qu'on ne se met pas à 1500 pour tuer un homme. Pourquoi, à la caillatterie d'Astillé, quand tu as vu que tes soldats allaient tuer le Vendéen, Joseph Bézier, qui était blessé et qui se traînait, as-tu crié « Allez, en avant, j'en fais mon affaire !» et as-tu tiré ton coup de pistolet en l'air? Parce qu'on ne tue pas un homme à terre. Et tu as eu tort. Tous deux sont aujourd'hui chefs de bande. Joseph Bézier, ses moustaches, et Jean Treton, ses jambes d'argent. En sauvant ces deux hommes, tu as donné 2 ennemis à la République. Certes, je voudrais lui faire des amis et non lui donner des ennemis. Pourquoi, après ta victoire de Landéan, n'as-tu pas fait fusiller tes 300 paysans prisonniers? Parce que, Bonchamp ayant fait grâce aux prisonniers républicains, j'ai voulu qu'il fût dit que la République faisait grâce aux prisonniers royalistes. Mais alors, si tu prends Lantenac, tu lui feras grâce? Non. Pourquoi? Puisque tu as fait grâce aux 300 paysans. Les paysans sont des ignorants. Lantenac sait ce qu'il fait. Mais Lantenac est ton parent. La France est la grande parente. Lantenac est un vieillard. Lantenac est un étranger, Lantenac n'a pas d'âge. Lantenac appelle les Anglais, Lantenac c'est l'invasion, Lantenac est l'ennemi de la patrie. Le duel entre lui et moi ne peut finir que par sa mort, ou par la mienne. Gauvin, souviens-toi de cette parole, elle est dite. Il y eut un silence, et tous deux se regardèrent. Et Gauvin reprit. Ce sera une date sanglante que cette année 93 où nous sommes. Prends garde, s'écria Simourdin, les devoirs terribles existent. N'accuse pas qui n'est point accusable. Depuis quand la maladie est-elle la faute du médecin? Oui, ce qui caractérise cette année énorme, c'est d'être sans pitié. Pourquoi? Parce qu'elle est la grande année révolutionnaire. Cette année où nous sommes incarne la révolution. La révolution a un ennemi, le vieux monde, et elle est sans pitié pour lui. De même que le chirurgien a un ennemi, la gangrène, et est sans pitié pour elle. La révolution extirpe la royauté dans le roi, l'aristocratie dans le noble, le despotisme dans le soldat, la superstition dans le prêtre, la barbarie dans le juge, en un mot, tout ce qui est la tyrannie dans tout ce qui est le tyran. L'opération est effrayante, la révolution l'a fait d'une main sûre. Quant à la quantité de chair saine qu'elle sacrifie, demande à voir ce qu'il en pense. Quelle tumeur à couper n'entraîne une perte de sang? Quel incendie à éteindre n'exige la part du feu? Ces nécessités redoutables sont la condition même du succès. Un chirurgien ressemble à un boucher. Un guérisseur peut faire l'effet d'un bourreau. La révolution se dévoue à son œuvre fatale. Elle mutile, Mais elle sauve. Quoi ? Vous lui demandez grâce pour le virus ? Vous voulez qu'elle soit clémente pour ce qui est vénéneux ? Elle n'écoute pas. Elle tient le passé, elle l'achèvera. Elle fait à la civilisation une incision profonde. D'où sortira la santé du genre humain ? Vous souffrez ? Sans doute. Combien de temps cela durera-t-il ? Le temps de l'opération. Ensuite, vous vivrez. La révolution ampute le monde. De là cette hémorragie. 93. Le chirurgien est calme, dit Gauvin, et les hommes que je vois sont violents. La révolution, répliqua Simourdin, veut pour l'aider des ouvriers farouches. Elle repousse toute main qui tremble. Elle n'a foi qu'aux inexorables. Danton, c'est le terrible. Robespierre, c'est l'inflexible. Saint-Just, c'est l'irréductible. Marat, c'est l'implacable. Prends-y garde, Gauvin. Ces noms-là sont nécessaires. Ils valent pour nous des armées. Ils terrifieront l'Europe. Et peut-être aussi l'avenir, dit Gauvin. Il s'arrêta et repartit. Du reste, mon maître, vous faites erreur, je n'accuse personne. Selon moi, le vrai point de vue de la Révolution, c'est l'irresponsabilité. Personne n'est innocent, personne n'est coupable. Louis XVI, c'est un mouton jeté parmi des lions. Il veut fuir, il veut se sauver, il cherche à se défendre. Il mordrait s'il pouvait. Mais n'est pas lion qui veut. Sa velléité passe pour crime. Ce mouton en colère montre les dents. Le traite, disent les lions, et ils le mangent. Cela fait, ils se battent entre eux. Le mouton est une bête. Et les lions, que sont-ils ? Cette réplique fit songer Simourdin. Il releva la tête et dit « Ces lions-là sont des consciences. Ces lions-là sont des idées. Ces lions-là sont des principes. Ils font la terreur. Un jour, la révolution sera la justification de la terreur. Craignez-vous que la terreur ne soit la calomnie de la révolution ?» Et Gauvin reprit « Liberté, égalité, fraternité, ce sont des dogmes de paix et d'harmonie. Pourquoi leur donner un aspect effrayant ? Que voulons-nous ? Conquérir les peuples à la République universelle ? Eh bien, ne leur faisons pas peur. À quoi bon l'intimidation ? Pas plus que les oiseaux, les peuples ne sont attirés par l'épouvantail. Il ne faut pas faire le mal pour faire le bien. On ne renverse pas le trône pour laisser l'échafaud debout. Mort au roi et vie aux nations. Abattons les couronnes, épargnons les têtes. La révolution, c'est la concorde et non l'effroi. Les idées douces sont mal servies par les hommes incléments. Amnistie est pour moi le plus beau mot de la langue humaine. Je ne veux verser de sang qu'en risquant le mien. Du reste, je ne sais que combattre et je ne suis qu'un soldat. Mais si l'on ne peut pardonner, cela ne vaut pas la peine de vaincre. Soyons pendant la bataille les ennemis de nos ennemis et après la victoire, leurs frères. Prends garde, répéta Simourdin pour la troisième fois. Gauvin, tu es pour moi plus que mon fils, prends garde. Et il ajouta pensif. Dans des temps comme les nôtres, la pitié peut être une des formes de la trahison. En entendant parler ces deux hommes, on eût cru entendre le dialogue de l'épée et de la hache. Chapitre 8. Dolorosa. Cependant, la mère cherchait ses petits. Elle allait devant elle. Comment vivait-elle ? Impossible de le dire, elle ne le savait pas elle-même. Elle marcha des jours et des nuits, elle mendia, elle mangea de l'herbe, elle coucha à terre. Elle dormit en plein air, dans les broussailles, sous les étoiles, quelquefois sous la pluie et la bise. Elle rôdait de village en village, de métairie en métairie, s'informant. Elle s'arrêtait au seuil, sa robe était en haillons. Quelquefois on l'accueillait, quelquefois on la chassait. Quand elle ne pouvait entrer dans les maisons, elle allait dans les bois. Elle ne connaissait pas le pays, elle ignorait tout, excepté Ciscoignard et la paroisse d'Azé. Elle n'avait point d'itinéraire, elle revenait sur ses pas, recommençait une route déjà parcourue, faisait du chemin inutile. Elle suivait tantôt le pavé, tantôt l'ornière d'une charrette, tantôt les sentiers dans les taillis. À cette vie au hasard, elle avait usé ses misérables vêtements. Elle avait marché d'abord avec ses souliers, puis avec ses pieds nus, puis avec ses pieds sanglants. Elle allait à travers la guerre, à travers les coups de fusil, sans rien entendre, sans rien voir, sans rien éviter, cherchant ses enfants. Tout étant en révolte, il n'y avait plus de gendarmes, plus de maires, plus d'autorité. Elle n'avait affaire qu'aux passants. Elle leur parlait, elle demandait « Avez-vous vu quelque part trois petits-enfants ?» Les passants levaient la tête. « Deux garçons et une fille, » disait-elle. Elle continuait « René-Jean, Gros Alain, Georgette, vous n'avez pas vu ça ?» Elle poursuivait « L'aînée a 4 ans et demi, la petite a 20 mois. » Elle ajoutait « Savez-vous où elles sont ? On me les a pris !» On la regardait et c'était tout. Voyant qu'on ne la comprenait pas, elle disait « C'est qu'ils sont à moi, voilà pourquoi !» Les gens passaient leur chemin. Alors elle s'arrêtait et ne disait plus rien, et se déchirait le sein avec les ongles. Un jour pourtant, un paysan l'écouta. Le bonhomme se mit à réfléchir. « Attendez donc, dit-il, 3 enfants ? Oui. 2 garçons et 1 fille. C'est ça que vous cherchez ? Oui !» J'ai ouï parler d'un seigneur qui avait pris 3 petits-enfants et qui les avait avec lui. Où est cet homme ? Cria-t-elle. Où sont-ils ? Le paysan répondit. Allez à la tourgue. Est-ce que c'est là que je trouverai mes enfants ? Peut-être bien que oui. Vous dites ? La tourgue. Qu'est-ce que c'est que la tourgue ? C'est un endroit. Est-ce un village ? Un château ? Une métairie ? Je n'y suis jamais allé. Est-ce loin ? Ce n'est pas près. De quel côté ? Du côté de Fougères. Par où y va-t-on ? Vous êtes à Ventorte, dit le paysan. Vous laisserez Ernée à gauche et Côtesel à droite. Vous passerez par Lorchamps et vous traverserez le Leroux. Et le paysan leva sa main vers l'Occident. Toujours droit devant vous, en allant du côté où le soleil se couche. Avant que le paysan eût baissé son bras, elle était en marche. Le paysan lui cria. « Mais prenez garde, on se bat par là !» Elle ne se retourna point pour lui répondre et continua d'aller en avant. Fin de la section 11.